Donc, en quelque sorte, il est 7h, 19h15, donc on peut voir ça en quelques secondes. Et nous présente Chris Victoire. Chris Victoire. Dis la même chose, bonsoir Chris Victoire. Bonsoir, c'est bienvenue Chris Victoire. Bienvenue Victoire. Voilà, voilà, voilà. Regarde celle-là, elle a fait quelque chose. Alors c'est lui qui vient regarder. Chris Victoire. Mais celui qui a décidé qu'il va venir, il a signé derrière moi depuis une semaine, depuis une semaine que je veux venir à la semaine. Je veux venir à la radio avec toi. Je veux être avec toi. Et la plus bonne chose, c'est que il est venu à la maison toujours, il raconte à ma femme, il appelle. Il vient, on a couché au lit, il dit, il dit, assieds-toi sur le lit, il s'assoit. Il dit que plus pour moi, il dit c'est quoi? Il dit que rien ne nous plaît plus. Il dit que rien dans ce monde ne nous plaît plus. Il dit qu'il ne comprend pas ce qu'il veut avec. Il dit, moi sinon il va familiariser. Le processus a commencé. Il peut ne pas, il ne comprend pas seulement comment le Seigneur agit. Donc il commence à dire, rien ne nous plaît plus, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Rien ne nous plaît plus, il est dans le coin, il y a des intérêts. Il est dans le processus. Amen. Christ Victoire. Donc quand il allait voir ses. Quand il allait voir ses, son grand-père, son grand-père lui a dit que si tu es un fou, monsieur il a mouru, dis-nous. Bon, c'est pas le sujet. Le Seigneur, c'est son chauffeur, lui. Que la grâce de la paix lui soit accordée au Seigneur. C'est ça, on se passe après. Ça, non? Je pense à aller à l'heure de quoi? Que la paix, la grâce soit. Ok. Donc, quand tu viens la paix, on va voir le sujet, il faut donner le temps pour construire le temple de Dieu. C'est celui que nous allons passer. Au temps pour construire le temple de Dieu. Amen. Amen. Donc, commençons par l'enseignement. Vous allez plus que seulement garder dans la paix. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment glorieux que tu nous apportes encore. Merci de nous avoir donné le temps pour ce moment-ci pour partager ta parole ce soir. Puisses-tu nous enseigner maintenant au travers de ta parole, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frère Élie, ça va? Amen. Donc, commençons notre lecture là comme ça, sur le livre du titre, donner l'offrande pour la construction du temple de Dieu. Ça pourra passer. Deux rois, on va commencer avec lui. Merci Père. Merci. Deux rois, et puis on va voir. Si là, on ne finit pas aujourd'hui, on va continuer ça. Je crois qu'il y a beaucoup de choses comme ça qu'on a en première partie. On avait parlé sur la mauvaise pensée, quelque chose comme ça. On ne va pas terminer. Mais Dieu, vraiment, on va savoir, on va travailler pour nous. Un autre enseignement, nous avons parlé ici des péchés, quelque chose que ça vient parler, qu'il fallait qu'on parle un peu comme là-dessus. Mais c'est un enseignement qu'on enseigne, mais ça me dit quand c'est, on a assez, le temps assez bon. Quelque chose par rapport à Dieu contrôle, que de quoi quelque chose, ça vous voyez aussi quelque chose. Donc, voyons ce soir, c'est un sujet intéressant. Ah, d'accord. Dis-moi le chapitre 12. Donner l'offrande pour la construction du temple de Dieu. Tu l'as tout de suite dit d'abord que tu vas dans la Bible. Donner l'offrande. Oui, donnons l'offrande. Ou bien, vous posez cette question. Est-ce que nous donnons l'offrande pour la construction du temple de Dieu? Amen. Deux rois, chapitre 12. Nous allons voir ce sujet ensemble les enfants. Je lis à partir du verset 1. Dieu voit le chapitre 12, à partir du verset 1, pour tout ce que vous y êtes. La septième année de Jéhu, Joas devint le roi et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Tishba et Béa-Sheva. Que la grâce et la paix également vont se multiplier. Les deux des autres de l'autre fois sont encore ensemble. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Vous y êtes. Tout le temps qu'il suivit les directions du sacrificateur Yehoiada. Seulement, les hauts dieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts dieux. Là, dit au sacrificateur, tout l'argent consacré était dans la beauté de ces quatre éléments. Joas dit au sacrificateur, tout l'argent consacré qu'on apporte dans la maison de l'Éternel, l'argent ayant cours, savoir l'argent pour le rachat des personnes, d'après l'estimation qui en est faite,

Je ne sais pas. Oui, je veux dire que c'est parce que dit, c'est le lieu où réside son nom. Je n'ai pas dit que c'est l'homme qui a vu, parce que le temple, c'était un lieu où résidait une. C'est comment on appelle ça, l'âge de l'alliance. Mais ça n'a pas dit que c'est l'éternel qui habitait. Oui, ouvre le Lévitique chapitre 10. Lévitique chapitre 10. Fils d'Aaron, Nadab et Abihu prirent chacun un brasier. Oui. Ils mirent du feu, ils posèrent du parfum dessus. Ils approchèrent devant l'Éternel du feu étranger. Où ça? Devant la prière. Devant ça, le Seigneur. Devant l'Éternel. Devant. Je suis où la prière? Devant. Vous savez qui est ici? Oui. C'est qui ne l'a pas. Il meurt avec un orbe. Oui. Alors je suis sorti du vivant de l'Éternel. Parce que vous êtes consumant. Il a mort. Vraiment frère, on va dire qu'il va la vie de l'homme. Il veut sortir du haut, ou il veut mourir avec ce qu'il fait. C'est là où je suis. On a pédé, il a mort, il était mort. Ok, c'est bon. Donc c'est lui qui était là-dedans. Vous êtes déjà dans mon petit esprit, c'est qui est là-bas? Dieu était là où il n'était pas là. Il était là. Alors, donc il a vidé où? Il n'est pas là. Comment faire? Je confie. Comment ça tu es confus? Comment dire le trône c'est son lieu là. Bon, d'abord on a dit qu'il était là où il n'était pas là-bas, non? Non, il est là. Quand il y a des raisons, il est dans le chair. C'est ça, c'est ça. Quand tu es là, je vais me suivre. Il est l'esprit, l'esprit partout où il est. Tu vois là, c'est là. Donc ici, oui. voici le mot fait de même. Le frère, vous avez fini avec. Vous avez fini. Je veux que vous me répondiez, Parce qu'il a dit que je suis devant, je vais vous donner une tabule à tel endroit. Je peux la donner comme ça, ça. Je peux la donner comme ça, ça. La terre est large, qui s'est pas dit, elle va c'est pas lui, ça lui est ça, non. Il y a le point là maintenant. Vous pensez que dans, sur la montagne, il était descendu. Sur la montagne. Vous pensez que Dieu du ciel est descendu sur la montagne. Il avait été commandement. Non, réponds-moi, ne trouve pas le français. Le mot qui est utilisé, c'est descendu. Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous croyez qu'il était descendu? Il était posé. Il est posé dans tout le monde dans la maison. La question, c'est est-ce qu'il te montre quoi? Est-ce qu'il est descendu? La parole dit qu'il est descendu. La même parole dit qu'il est descendu dans la nuit. Il parlait depuis le ciel. Qu'est-ce que tu en dis? Donc la parole dit clairement qu'il est descendu. La parole dit qu'il parlait depuis le ciel. Il ne parle pas sa parole. Il ne parle pas comment. Il marche sur la parole. Donc, nous voyons donc ce soir l'offrande pour la construction du temple de Dieu. Dieu nous a donné de la responsabilité. Afin que nous construisons son temps, nous devons construire un grand temps, un bon temps. Si nous ne construisons pas le temps pour qu'on construise un temple, nous sommes totalement à côté de la plaque pour un grand temps, un édifice. D'accord? Il faut qu'on comprenne la volonté de Dieu. Et nous voyons effectivement ici comment Joas a pris les 5 mandats pour courage. Chacun de nous, vous avez tout. Faire avec vous, je dis, vous êtes basé toujours à niveau là. Je suis sûr que s'il y avait quelque part à l'évier, vous avez trouvé sa vie, vous commencez à sortir. Vous basez toujours. Mais il faut que nous offrons pour construire le temple des dieux. Ça veut dire qu'on se met dans la salle, il avait dit que la voie que Israël a suivie, c'est la même voie que l'Église a suivie. Avant de nommer le temple est désolé. D'accord. Bon, j'ai une belle marque à suspendre, je vais pas suspendre plus longtemps. Le temps de la douleur, alors c'est quoi? Encore. Est-ce que les chrétiens vont bien? Est-ce que les chrétiens vont bien? Non. Oui, merci. Je me rappelle ma voix. Ah, oui, Seigneur, le peu que je n'ai pas vu, il n'a pas de vie. Alors, nous avons besoin de l'offrande de notre vie, des offrandes de notre nécessité pour ces constructions-là. Voilà la vraie constitution. Dans le livre de Jean, chapitre 13, les versets 36 à 37, le Seigneur Jésus nous dit que je vous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il nous a aimés, il a donné sa vie. Il s'est conduit le monde. Il sera ceci que tout se conduit comme dit, mais ici vous avez l'amour au sein pour les autres. Bon, à partir du moment où vous commencez à noter, d'accord? Alors, quand le Seigneur Jésus-Christ dit cela, et le livre des 1 Jean va réitérer ça à plusieurs endroits. Je vous donne un commandement, je ne pas que vous connaissez la messie, que vous avez connu la terre et commencement, parce que c'est la même chose que le Seigneur qui a dit, et même le Seigneur, les autres. Dans le livre de Marc au chapitre 12, dans le livre de Marc au chapitre 12, c'est pour notre lecture du verset 28 au verset 31, il parle de ces pharisiens, des docteurs de la loi, qui lui posent des questions sur Jésus-Christ. Il dit, mais quel est le plus grand commandement? Le Seigneur lui répond à Dieu. Il dit, tu as bien répondu. Le Seigneur lui a donné ces deux commandements que nous tous nous connaissons, et tous, sans exception, nous connaissons ces commandements. Il me dit, au c'est tout en cœur, tout en âme, tout en esprit, et ses suites. Et bien, il dit, voici un autre commandement qui lui est semblable. Aime ton prochain comme toi-même. Il dit que le Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit dans ces 31. Déjà de lui, des marches plus douces, il dit qu'il n'y a pas de plus grand commandement que c'est Dieu-là. Vous poursuivez. Il dit qu'il n'y a pas de plus grand commandement que c'est Dieu-là. C'est le commandement qu'il a signé. Tu vas essayer tout ton cœur, tout ton âme, ton point, tout tes pensées, et tu verras ton projet comme toi, pas les deux commandements. L'apôtre Paul va réitérer encore cela aussi dans le livre de Romains chapitre 13, verset 8 et suivant. Tu verras ton projet. Il dit que car tu ne connais pas pour les études, tu ne pas ceci, dépend de ces deux commandements. C'est grave, c'est grave, tu sais, deux commandements. Ceci est peut-être pour ne pas commander quelque chose. Donc si on commence à dire quelque chose, on va commencer à saisir et ceci. Donc voilà les deux commandements. Le Seigneur Jésus a dit dans sa bouche, dans ce Marc chapitre 12, verset 31, il dit qu'il n'y a pas de plus grand commandement que ces deux-là. La simple question c'est, craignons-nous Dieu? Parce que les gens disent que non, on ne peut pas ne pas faire ceci. Le problème, c'est que restons sur ces deux commandements et observons bien la profondeur. Oui ou non, nous observons. Puisqu'on dit que toute la loi dépend de ces deux commandements. Toute la loi dépend de ces commandements-là. C'est pas ça, hein? Donc, prenons le commandement de l'un qui nous pied à notre niveau. Non, face à face. Le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, s'il est souffré, si quelqu'un vient de souffrir, et que je dis que j'aime mon prochain comme moi-même, et que je ne peux pas l'aider à celui-ci la souffrance, et que j'ai la possibilité de le faire, il y a un problème avec moi. Même si je décide de croquer, c'est lui, ça ne marche pas. Il faut l'offrande pour la construction du temple de Dieu. Pourquoi? Parce que lui, il fait dans 7 Corinthiens, je crois que, mais ça ne veut pas que vous êtes le temple de Dieu. Alors, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, il détruira lui-même. Faites à votre ce que tu viens raconter, n'est-ce pas? Vous savez comment on n'est-ce pas? Alors, si Dieu a dit qu'on offre quelque chose, prenons cela dans le livre de Romains, chapitre 12, disons Romains, chapitre 12. Ah, c'est une des 12e chapitre. Alors, c'est la fondation là. C'est ça, 2 Rois, chapitre 12, Romains, chapitre 12. On va écrire l'offrande pour la construction du temple. Ça veut dire qu'on a des dimanches, puis on a prié comme ça. Il y a un moment, il y a un homme qui était là, on a prié instantanément. La chose qui était dans son corps est sortie. Subitement, sur son même, les objets sont trouvés sa main. Elle s'est tournée. Il y avait des choses nouvelles, des objets, ça veut dire que, frère, qu'est-ce qu'il y a dans ma main? Ma femme lui demande, il n'y avait pas ça tout à l'heure, il n'y avait pas ça sur la main, c'est sorti. C'est pour sortir, il va dire, voilà, comme ça. Voilà, subitement. Pour moi, je viens de vous déjà ici. Il n'y a pas le temps de dire, c'est des choses que Dieu fait. Nous, on viendra, les gens peuvent témoigner. Que la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ continue à se manifester. Donc, regardez, suivez attentivement ici. Regardez. On est là. Oui, je vais devenir un petit verset, mais disons doucement. Que la charité soit sans. Vraiment. Que la charité soit sans. Hypocrisie. Hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Mais nous sommes ici pour regarder les socles même de ces commandements-là qui vont nous aider, nous donner ce commandement-là, comment avancer vers cet endroit-là. Par amour fraternel, soyez plein d'affection. Comment on peut être plein d'affection quand on veut soutenir votre bien? C'est possible que ça peut être. C'est possible. C'est-à-dire que vous dites que j'ai plein d'affection pour toi, tu as des soucis, je suis dans la prudence. C'est bon? Vous avez aussi dit, par amour fraternel, soyez plein d'affection les uns pour les autres. Vous avez vu? Par honneur, usez des prévenances réciproques. Il y a du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. On avance. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patient dans l'affection. Ça ne va pas bien. Soyez patient les dents. Mais le chrétien, on dit que c'est notre de douleur qui peut le fournir qui rapidement. La même déclare que soudain les douleurs. Soyez patient les dents. Soyez patient dans l'affection. Dans l'affection, soyez patient. Pour commencer, l'affection utilisée par Dieu pour traverser les choses de nos vies. N'est-ce pas? Maintenant, persévérer dans la prière. Sans les commandements. Mais on arrive exactement où l'on va. Mais regardez bien. Maintenant, dans le verset 13. Pourvoyez aux besoins des saints. Vous avez ça? C'est dans le livre. Je pose une question. Ici, c'est un commandement, oui ou non? Regarde ton voisin, tu nous présentes la Bible. La Bible déclare tout ce pouvoir aux besoins des saints. Oui, vous avez dit, n'est-ce pas? Exercer l'hospitalité. Ce seul verset a deux commandements. Ce seul verset. Oh, nous sommes sous la grâce. Vous avez vu, non? Nous sommes sous la grâce. Nous ne sommes pas sous la loi. La loi de la grâce a amplifié la loi de la loi. Exercer l'hospitalité. La Bible ajoute dans le livre de Prédicat que sans murmure. Dans Philippiens chapitre 4, verset 13, il dit que sans murmure, que tu vas partir d'ici quand même. Tu vas vivre ici après chez moi. Bon, c'est terrible ce qui arrive à mon côté. Mais maintenant, lorsque Dieu a des discours, on prend la position de temps. Alors, la même façon, quand Josias a vu que la maison de Dieu était isolée et que ça ne fonctionnait pas comme ça devait fonctionner, il a pris à cœur de réparer, vraiment à cœur de réparer le temple du Seigneur, dans lequel sa sainteté. Vous êtes d'accord avec moi? Vraiment à cœur de réparer le temple du Seigneur. Chaque fois que nous avons raté ces choses, cette principe-ci, c'est le Seigneur dont nous battons. Souvenez-vous, on va dire merci, le Seigneur me permet, on voit que sinon, lui, c'est parce qu'il est blessé. Vous les connaissez, alors vous les connaissez partout dans votre vie. Comme c'est bien. C'est là. Maintenant, il dit, souvenez-vous, verset 13, pourvoyez aux besoins des saints. Donc les saints ont des besoins. Il faut pourvoir. Les saints commandements, ils ne vont pas comprendre. Pourvoyez aux besoins des saints. Joseph était le roi. Il y avait des sacrificateurs ici. Il y avait la population, il y avait le temple qui était bien déposé là-bas. Joseph a pris son initiative, il parlait, il fallait parler de façon nouvelle. Il n'a pas pris que c'est lui à lui de donner parce qu'il est roi. Il fallait que tout le monde y pense. Quand demain on commence à participer, on commence à mettre le coffre-fort, les gens, elles sont engagées en action et qu'est-ce que Dieu a fait. C'est ça, c'est pas ça le problème. C'est ça, n'est-ce pas? La Bible dit, pour voir qu'on a besoin d'exercer l'hospitalité. J'espère que tout le monde voit cette situation de l'hospitalité. L'avancement, réjouissons avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Et nous, les mêmes sentiments, les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, on va arriver sur toutes ces choses-ci, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Vous savez, un sac à vos propres yeux. Regardez bien, ce sont les commandements. Il y a une série de commandements comme nous tous ce moment ici. Des séries de commandements pour les chrétiens. Ne rendez à personne de mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant les autres. Vous avez vu? Avancez. C'est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les autres. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé. Mais laissez-vous agir la colère. Car il écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi, on a toujours dans le cas de l'ennemi. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Vous avez ça? Si la soif, donne-lui à boire. Car en agissant ici, ce sont des charbons. Vous avez ça, frère? Chapitre 13, alors chapitre 13, nous avons besoin de dire, nous sommes les 13. Verset 8 est suivant. Chapitre 13, verset 8 est suivant. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns. Donc, c'est la seule dette, que la Bible prévoit, c'est la dette d'amour.

Et par conséquent, il n'a pas l'amour vrai. S'il n'a pas l'amour vrai, ça concerne le condamné. La Bible déclare que si nous concernons le condamné, nous juge, Dieu peut donner notre conscience. C'est pas ce qu'il dit. Il dit que cette fois, la personne va croire qu'elle est sauvée, mais qu'elle n'est pas. Parce qu'elle n'est pas la vraie foi. Parce que la vraie foi, ça ne comprend pas les œuvres. Après, je vais donner un exemple de ce qu'il veut dire. Verset 15. Si un frère ou une sœur sont nuls et manquent de la nourriture de chaque jour, regardez le bon âme de chrétien. Nul, lui dit-il, il manque la nourriture de chaque jour. Et que l'un de vous, d'entre vous, leur dise, allez en paix, comme on dit soit bien aimé, oh, que le Seigneur te bénisse, qui te comble mon frère, que la grâce soit sur toi. Il dit, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? Vous avez sa foi? Donc il me dit, tu as la foi. Recevez-vous des Romains 12, verset 13 de Romains 8. Pourvoyez aux besoins des saints. Pourvoyez aux besoins des saints. Tu dis, tu as la foi. Souvenez-vous de ceci. Souvenez-vous de ceci. On a toujours quelque chose à donner. Ça, c'est l'une des choses que j'ai appris du Seigneur qui est merveilleux. Vous dites, souvenez-vous de cette femme-là, de cette femme de Luc, chapitre 18. Là. Je connais le Luc, chapitre 21, de cette pauvre qui mettait dans le but de l'argent. C'est tout ce qu'elle avait, n'est-ce pas? Elle peut penser que les riches qui donnent la conseil, ne pas, est-ce que ça va aider à quoi pour la construction des temples? Mais le Seigneur dit que cette femme veuve-là, elle a tout, elle a donné le plus que c'est. Les autres, non, parce qu'ils ont déjà des lèvres superflues. Donc, on a toujours quelque chose à donner. Là, elle a donné deux, qu'est-ce qu'elle avait? Mais les autres ont donné des superflues, ils ont des comptes en banque, ils ont pris ce qu'il y a du sud. Ça change les gars, ce qu'ils ont. Pourquoi? Parce que non seulement, elle a donné ce qu'elle avait pour vivre, mais elle a donné en croyant que Dieu pourra pouvoir. Pour que quelqu'un donne quelque chose à la maison, c'est la dernière que tu peux avoir, et donner à quelqu'un pour rester comme ça. C'est la foi. Là. C'est la foi. Ça dit que tu donnes, c'est ça, c'est le fond du corps. Vous dites, j'ai mes derniers 10 000 comme ça. Si je donne maintenant, je fais comment? Si le mariage là vient, je fais comment? Oh, frère, il y a des ouvertures, des témoignages, des centaines qui vont vous en donner par rapport à moi. C'est là que vous en savez. Quand vous êtes dans la position du manque, suivez-moi, quand vous êtes dans la position du manque, c'est le meilleur moment pour donner de ce que vous avez. C'est le secret. Quand vous êtes dans la position du manque, ça veut dire que vous sentez que vous n'avez rien. C'est le meilleur moment de donner. Parce que quand vous donnez véritablement, vous donnez ce que vous avez de subsistance. Vous donnez ce qui reste pour vous. Quand vous avez en abondance, vous pouvez donner. Vous pouvez donner cet argent, vous pouvez donner comme c'est le ici. Le fait que les riches d'avoir mis la balle, le Seigneur a dit comme ça, on n'a pas enlevé ça, hein, vous l'avez donné. C'est quand même avancé. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de récompense là-dessus. C'est ce que ça nous dit, n'est-ce pas? Je veux que vous compreniez les deux scénarios qui sont toujours là-bas. Voilà le tronc d'arbre de cette femme-là qui aime ces deux pièces. Le Seigneur Jésus est Dieu. C'est lui qui rend à chacun selon ses œuvres. Il vient de donner la sentence là-bas. Celle-ci a donné plus que les autres. Donc, si c'est pour le mettre en bénédiction, il en met plus. C'est ça? Alors, la personne qui a donné 400 millions en descendant, moi j'ai donné 400 millions, elle a donné 2 800 encore que le pas. Donc, c'est. Faites attention. Et je dis, le meilleur moment de donner, c'est quand vous pensez que vous n'avez pas. C'est un secret. En fait, vous regardez la Bible de la bonne manière, vous verrez que c'est ça. Le meilleur moment, la meilleure façon, le meilleur moment de donner, c'est de donner quand vous pensez que vous n'avez pas. Quand vous pensez que vous n'avez pas. C'est ça. Alors, vous voyez, cette femme-là donne le Seigneur. Je pose la question. Imaginez cette femme-là, qui voit une femme qui commence mal à être pauvre, elle est veuve. On a ces deux pièces. Mais tout ce qui est en c'est pour vivre. Vous entendez ça? Suivez un peu cette femme de s'arrêter là, avec lui. Essayez de la regarder. Et regardez ce qu'elle a fait encore en nécessaire pour vivre. C'est ça, vous cherchez deux voix. Tu peux juste donner la tour aussi, donner tout ce qu'il y a là-bas. Après ce moment-là, on meurt. Elle dit, va faire une chatte, mais comment elle que je mange? Elle est obligée de dire, on peut commencer aussi. Un enfant ici, même pas petit, elle mangeait déjà. La mesure des enfants comme ça. Elle avait toujours les deux. Elle fait donc, on dit, mais c'est pas le Seigneur. Il manquera pour Dieu. C'est comme si on observait sa preuve. Quand tu n'as pas le moment, le moment où vous venez, il faut nécessité ça va avancer. Le moment le plus subtil, que vous pensez que vous n'avez pas, c'est le moment par l'étude pour venir. Souvenez-vous de la promesse qui est contenue dans le livre de Psaume chapitre 41. Les quatre premiers versets sont 41. Il dit que heureux ceux qui s'intéressent aux pauvres. Donc celui qui s'intéresse aux pauvres, la Bible dit que heureux celui-là. La Bible va même plus loin, dit que Dieu le protège de la sorcellerie seulement parce qu'il se protège, parce qu'il s'intéresse aux pauvres. La Bible dit que Dieu ne lit pas au bon plaisir des méchants. C'est ce que la Bible déclare. Pourquoi? Quand, la Bible dit que quand il est son lit des malades, Dieu le soutient. Pourquoi? Parce qu'il s'est intéressé aux pauvres. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Comme nous avons passé dans l'Ancien Testament, le frère était avec son grand père, on dit que peut-être le frère humain est dit qu'on donne l'argent pour construire le temple. Dieu n'habite pas à la frère humain. Bon, maintenant, souvenons-nous de ceci. Tu vois, si tu vois le temple où tu as habité, regarde le frère qui a habité toi. Il a pris une idée. Là, on voit sur le sujet, n'est-ce pas? Donc, tu as donné le temps. Tu vas donner le frère. Pour sa construction. Alléluia. Alors maintenant, qu'est-ce qui arrive lorsque les gens n'ont pas compris cette raison de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? On se focalise toujours sur ça. J'ai pris ce verset-là exprès. Parce que c'est ça qu'on prend dans les mots. C'est pour dire qu'on a déjà trouvé la construction de ça. Là, les gens qui ont construit, les gens qui ont verré comme le mouton, ils ne peuvent pas donner. Or, Dieu a quitté des membres dans la réalité aujourd'hui. Nous sommes dans la réalité. Donc, paradoxalement, les gens sur qui on va investir sont mis d'écouter et puis on est investi encore dans les mêmes briques, les mêmes papiers. Et je peux donc citer exactement cette acte dans le chapitre 17 et 20 et suivant, que Dieu n'habite point dans le temple, fait le même vent. Oui. Vous dites, il n'habite point dans le même. Il n'a pas dit que Dieu n'a jamais habité, il a dit que Dieu n'habite point. Comment ça fait? Voilà, c'est la chose. Il n'a pas dit ça. Ça veut dire lui-même qui a élevé le jour qui est élevé, après, puisqu'il a dit quoi non? Dieu habiterait-il? Il a dit, Dieu habiterait-il dans le temple, fait le même vent. Voici, messieurs, c'est le bon contenu. Il a compris quelque chose d'un papa. Il a compris que là, il a réalisé une prophétie en tant que prophète. Il a compris tout simplement. Le désir de Dieu de tabernacler au milieu des hommes. Le désir de Dieu de tabernacler au milieu des hommes. Plus à l'intérieur des hommes. D'utiliser ce temple-ci et de le bâtir en 3 jours. Quoi? Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple-ci. Ça veut dire qu'il fallait le temple de son corps. Vous voyez ça, frère? Donc, le temple de Dieu doit être bâti. Nous avons la responsabilité de participer à sa construction. Si nous participons de la bonne façon, de la bonne manière, pas seulement pour eux, mais même pour les autres, parce que c'est un parallèle comme ça, c'est un carrefour où on s'occupe en même temps des frères, en même temps des ennemis, même ceux qui ne croient pas. Parce que dans cette parabole, dans cette minute, il dit tu aimeras ton prochain. Ton prochain peut être celui qui ne t'aime pas. Ton prochain peut être celui qui n'a même pas de relation avec toi, ou qui ne va même pas te voir. Tu dois aller. Mais ici, nous parlons de la construction du temple des dieux. Là, je tourne du côté chrétien. Et voir maintenant, est-ce que l'amour est manifesté, la foi est manifestée par les œuvres, comme l'apôtre Jacques vient de parler, c'est fatalement non pas vrai. Il y a quelque chose à payer, pourquoi on ne paye pas le temple pour nous faire. Qu'avons-nous donc à offrir chacun pour son corps, vous devez comprendre que Dieu vous attend ici, à cette ligne droite. Souvenez-vous de Saint Jean, chapitre 13, que j'ai cité au verset 36-37. Il dit que je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Car il nous a aimés, il a prouvé. Mais, dans Saint Jean, chapitre 13, verset 1, il déclare que quand je suis levé le jour de Père et le soir est venu, quand il s'est levé là-bas, il dit ayant aimé ses disciples, et oh, c'est merveilleux ça. On dit qu'on ne sait que de faire les yeux, que l'on a aimé de quitter une semaine aussi pour le faire. Et ayant aimé ses disciples, ceux qui étaient dans le monde, il nous le comble à son amour pour eux. C'est ce qu'il écrit, frère. Il nous le comble à son amour. Il se met pas de la table. Le marquer, mais. Il venait le comble à son amour, restant comme ce qu'il dit. C'est tellement. Frère, il était jusqu'à là, il était jusqu'à. Ah, c'est pas ça. Il s'est levé. Quitter encore le cadre du Fils de Dieu, renaissant encore plus la personnalité pour libérer le Dieu. C'est pour ça qu'il faut le plaisir que je disais, tu n'as pas le dernier pied. Tu le saches à quel niveau comme ça. La Bible dit que c'est le geste humain. Il lui le comble à son amour pour eux. C'est de la pile de serviettes, il a laissé les laver le pied. Qu'est-ce qu'il veut dire? L'amour est prouvé. L'amour est prouvé. Il n'y a pas de plus grand amour au monde que de donner sa vie pour ses amis. C'est ça? Donner sa vie. Sa vie. Sa vie. Cette femme-ci a donné tout ce qu'elle avait nécessaire pour vivre. Elle a donné de sa vie. Vous entendez ça, frère? Alors qu'avons-nous comme subsistance? Qu'avons-nous comme subsistance? Si vous avez des choses que vous stockez en présage, en prévoyance, c'est un grand danger. Si, quand le chrétien va arriver au niveau de la conférence, si, alors les actes des apôtres peuvent commencer à fonctionner en vrai. Parce que les actes des apôtres nous montrent ces trois phases. L'amour, la foi manifestée, les œuvres qui en suivent. Ça nous manifeste. Ça ne s'accaparait pas. Quand les gens s'accaparaient, nous sommes des esprits frappés. Vrai, frère, est-ce que nous sommes des esprits frappés dans les actes des apôtres? Actes. Comment les apôtres ont agi? La foi était manifestée par les œuvres. Le témoignage de l'Esprit vivant du Seigneur Jésus-Christ était là, par le Saint-Esprit. Il a vivé cette foi-là. Qu'est-ce que les gens faisaient? Les gens s'accaparaient-ils de leurs œuvres, de leurs possessions? Les gens gardaient-ils de leurs possessions? Non. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient quoi? Ils se suivaient. Aujourd'hui, le chrétien moderne, maintenant, c'est quoi? S'accaparer. Qu'est-ce qui est arrivé? On a focalisé notre attention sur la réussite au style mondial. Sur la réussite avec les projets, les standards du monde, le fonctionnement du monde. On a quitté la boussole. On a quitté la boussole. On a quitté la boussole qui nous orientait vers notre étoile. On a suivi l'étoile, on a quitté l'étoile pour aller vers Hérode. Pour aller vers Hérode. Maintenant, l'étoile a disparu. Nous allons continuer à la religion. Ça, ça ne va pas vers Hérode, on va voir l'esprit. On a quitté la boussole. La boussole, c'est la forme de fonctionnement des apôtres. Quelle était la force des premiers disciples? La force était tout simplement qu'ils marchaient dans l'amour. Personne ne nous a dit que ceci le mettait encore. Tous étaient communs entre tous. C'est ce qui est écrit, frère. Dites-moi comment ces personnes ont prié, ce sera manifesté. Il faut que vous expliquiez. Alors, le deuxième commandement nous arrête. Nous citons le deuxième commandement, ce commandement nous arrête. Nous sommes en état d'arrestation face au deuxième commandement. Nous sommes en état d'arrestation face au deuxième commandement. Nous n'aimons pas le prochain. Je peux passer deux jours à développer ce deuxième commandement. Et on se pose des questions et on répond à ces questions. C'est d'après les gens qui nous disent que vous dites, j'ai la foi, si vous n'avez pas les yeux. Ok, il n'apprend pas un exemple simple. Terre à terre, c'est la vie de la foi, c'est la vie quotidienne. Et que si un frère ou une soeur a manqué de la nourriture et des vêtements, et que vous dites que dans l'année, que vous allez vous bénir, et que vous lui devez passer à quoi il doit manger, bien c'est quoi de métier. Pensez-vous de pouvoir vous sauver? C'est la question qui nous a posé. Nous devons répondre à cela. Nous devons répondre à cela. Jean, un jour, j'ai plus de choix. Donner l'offrande pour la construction du temple de Dieu. Vous devez donner cette offrande. Tu dois donner l'offrande pour la construction du temple de Dieu. N'allez jamais dire que vous dites, le temple de Dieu, vous savez même où le temple de Dieu se trouve. Vous savez qui est le temple de Dieu. Vous savez c'est quel est le temple de Dieu. Vous ne pouvez pas fuir votre conscience. Et en fait, fuir votre conscience, vous l'avez rencontré Dieu. Souvenez-vous, il est grand à chacun selon ses œuvres. C'est pour ça que dans ce livre, Colossiens chapitre 3, le verset 23, verset, il dit tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme au Seigneur. Selon que chacun recevra le Seigneur, selon le bien, le mal qu'il aura fait. Vous avez suivi ça? Tout ce que vous faites, faites-le. Des bons, sachant que chacun recevra, oh, c'est terrible. Alors, c'est vrai, on dit que nous avons un rôle à jouer. Le Seigneur compte sur nous. Le temple de Dieu s'est cassé. On dit que je regarde, on n'a pas l'emploi de l'argent qui rentrera pour faire des bassins, des couchers, des couchers de l'eau. Ça veut dire que c'est Dieu, voyez, il est tranquille. Où est-ce qu'il y a le frère? Que quelqu'un prend l'engagement de le faire. Est-ce que nous voulons prendre ces choses du Seigneur à cœur? Est-ce que nous voulons prendre ces choses du Seigneur à cœur? Oui. Ok. Enfin, c'est fort. On va voir. Un jour, je peux te voir. On avance ici. Si on me pose une question maintenant, est-ce que tu aimes tel peu? Oui, je l'aime. Je ne déteste pas. Parce que tu aimes celle-là. Elle me dit Amen. Enfin, tu l'aimes. C'est Christ victoire, ça fait Christ victoire. Tu ne l'aimes pas. Non, mais ça, c'est la seconde commune. Tu as d'ailleurs Christ victoire. Non. Jamais. Oui, je l'aime quand même. Comme tu vois, nous as-tu l'aimes? Et là, tu meurs. C'est vrai. Donc, tu n'aimes pas, et là, tu meurs. J'aime si vous aimez tous les êtres humains. C'est vrai. J'aime tous les êtres humains. On est passé là, au milieu de la semaine, Dieu est sur le clair. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il nous le comble en son amour pour eux, dans la vérité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc, dans le marin, ouais, il dit, il donne même ses, vous savez, cet agent en signe de mon amour, même inconsciemment, on le dit. On fait encore ça, là, on n'a pas acheté de fleurs de chérie, il donne. Pour, parce qu'on cherche, il y a quelque chose là, c'est débordé, on cherche à faire manifester. Vous savez, on les a chopé tout à l'heure. Tu vois. Ok, si tu n'aimes pas ça, tu fais comment? Est-ce que tu as mis d'accord que je te déteste? C'est le problème. Si il souffre, tu as quelque chose de bon passé, tu le détestes. Tu n'as pas besoin de dire que je te déteste, hein. Le fait que tu n'aimes pas vraiment de Dieu, parce que tu souhaites qu'il quitte là. Qui ne pourrait pas faire? Alors, verset 15. Quiconque fait son frère et père, regardez comme on a voix. Donc, au lieu que nous aimons en deuxième commandement, en deuxième commandement, la marée d'entre nous sommes les meurtriers. Et vous comprenez donc pourquoi nous disons qu'on ne pourra pas par conséquent avoir l'espérance. Parce que le contraire, c'est le même chose de cette haine-là, c'est l'amour. Et par conséquent, ce qui a l'amour, c'est l'espérance. Si c'est la haine qui est là-bas, c'est qui est contre la promesse, c'est l'amour. Et il dit que, et vous savez qu'aucun meurtrier dans la vie est demeurant en lui. C'est pour cela que c'est la mort éternelle qui a été manifestée par la haine. Il dit, ce n'est pas le fait que il dit que je te déteste. Non. C'est une dame. Observez Judas. Vous pensez que Judas aime le Seigneur? Judas est carré. Pensez qu'il aime le Seigneur. Vous donnez une intégration. Vous savez qu'il est assis là, elle est assis là dans cette maison, dans l'une de Jean chapitre 12, verset 1 et suivant. Cette femme-là verse le parfait sur Dieu et Jésus. Elle dit, oh, celui qui est sur l'engagement, vous voyez, mais à quoi vous le versez, c'est pas fin. Vous le versez à 300 à 400 là. On achète des choses au pauvre avec. C'est ça, frère. Mais le pauvre, la Bible déclare que moi, la Bible déclare qu'ils disent l'amour qu'ils avaient pour les pauvres en peine, mais comme étant le trésorier, ils prenaient ce qu'on y mettait. Ils disaient, c'est les pauvres, et le Seigneur Jésus-Christ, et cette femme-là, c'est le verset. Judas Iscariote. Bon, remarquez que il n'a pas dit que le Seigneur te déteste. Il n'a pas dit que le pauvre te déteste. Mais le témoignage qu'il a dans son cœur par rapport à ses paroles montre qu'il déteste les toi. Et regardez là où ça va conduire. On dit qu'il pouvait, on lui dit clairement qu'il pouvait. Mais ce qui était là-bas. Parce que nous, la Bible ne dit pas que je déteste le Seigneur. Il n'a pas dit que je déteste le Seigneur, il n'a pas dit que je déteste le pauvre. Il pouvait quand même. Et c'est ici que quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il. Vous avez vu ça? Voici la preuve qu'il nous a donné. Voici la preuve que nous avons l'amour. Qu'il a donné sa vie pour nous. Vous avez vu cela? Il nous a donné la mort. Vous avez vu. Je ne sais pas si c'est ça, les êtres humains ici. Vous voulez me construire le temple? Il nous a donné la quoi? Regardez ce que le verset contient dans le verset 16. Nous aussi. Nous pouvons donner notre vie pour les frères. C'est ce qui est écrit. Nous devons. C'est qui parle? Nous devons. C'est un moment où nous devons. La question c'est, son nom est là. Nous devons. Il dit que nous avons connu l'amour en ce qu'il nous a donné. Donc c'est la preuve qu'il nous a aimé. Il a donné sa vie. Dieu prouve son amour, Dieu prouve, dans ce livre de Romains chapitre 5, Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, nous parlons, Christ est mort pour nous. Il y a donc la preuve, la signature de son amour est la preuve, le sacrifice de Christ Jésus. Après, il dit dans ce verset, c'est que nous devons aussi, nous aussi, nous aussi. Et selon le verset, j'ai plus de chance qu'il y ait aujourd'hui, verset 36 et 37, c'est le Christ dit que Dieu donne un commandement de nous. Et nous, les uns les autres, comme je vous ai aimé. Donc, je vous ai aimé, je vais vous prouver. Alors, si vous aimez aussi, vous prouvez. Il dit ici, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. C'est ça? nous devons aussi donner notre vie. Oui, c'est vrai. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Vous avez vu ça? Comment donc donner notre vie pour les frères? Comment doit être le moment de ta vie? Il va nous parler d'aller à la croix. Mais là, c'est pas ce que c'est. Si on veut tuer quelqu'un, c'est moi, tuer moi aussi. Pour répondre, mais c'est pas ça que je t'avais dit. Le verset suivant, nous allons expliquer quoi les méchants. Regardez bien. Si quelqu'un, remarquez bien, c'est pourquoi il n'y a pas d'ambiguïté que je m'en vais mourir pour mon âme, je m'en vais mourir pour pouvoir lui dire, c'est pas ça. Et nous devons donner notre vie, c'est qui doit donner notre propre vie pour les frères. Nous ne devons pas mourir comme lui. Parce que ce sacrifice suprême qu'il a donné, personne ne veut ce sacrifice. Là, il dit, moi, donnez ce que vos vies dépendent. Donnez à vos frères pour voir pour les besoins de sacrifice. C'est le détail de même que mon âme soit de l'Italie, tout simplement. Il dit, c'est dont ta vie dépend, donnez aussi aux frères. Pour qu'ils participent à ça. Il semble que tu as peiné, tu as commis la chose pour eux. C'est à cela que ça commence. En fait, le verset suivant dit, si quelqu'un possède les biens de ce mort, pour que le Saint-Esprit le dise, il a parlé un peu plus clairement pour qu'on sache qu'il n'est pas de l'église. Il parle du bien matériel. Il s'agit du bien matériel. Donc, le chrétien sur la terre doit partager ses biens matériels avec son frère qui est en chrétien, parce que c'est son frère. Il dit, salut mon frère, salut ma soeur, on ne peut pas dormir chez toi. Il y a un vrai problème. J'aime bien encore ce délit. Pourquoi le chrétien veut chercher le chrétien de dormir? Il faut qu'on dise qu'il faut qu'on signale à la police. Sinon, tu veux que ce pas durer. Tu m'as envoyé ta soeur et ma soeur. Il dit, frère, on peut poser de nouveau longtemps à distance. On peut poser sur Skype à distance, mais personne ne peut accepter que je vais dormir chez lui comme ça. Pourquoi? Première chose, j'ai beaucoup de dettes. J'ai beaucoup des impôts que je paye, je dois donner ta bouche. Or, supposons, si c'était le frère et le sœur de la bonne manière de Christ Jésus, viens mon frère, viens dans ta maison. S'il y en a un euro, nous allons partager nous deux. C'est pas ça, frère? Voilà le mariage de véritable amour pour celui qui aime. Et quoi? Non, il y a un seul plan pour le temps pour mes enfants. Ça veut dire que j'avais la plante de Élie, j'avais aussi Élie avant de finir, il est tombé dans le passé, parce que la maison ne faisait pas. Il a dit que non, non, il a dit, la personne descend, ça va dans le bis là-bas. Il dit que si nous possédons, regardez le verset 17, si quelqu'un possède les biens du monde, les biens du monde, il a précisé. Donc, vous savez pas, mais c'est que spirituel, il dit que mon frère, Jésus, il tombe dans le nom de Jésus. Ou lui, il tombe dans le nom de Jésus. Qui tombe dans le nom de Jésus, il dit Amen, ça ne va plus dans le ventre. Tu comprends, frère? Donc, ça veut dire que la maladie est cachée sur le lit. Quand tu dis j'étais, tu peux faire pas sa mort. Là, il m'a dit, c'est pas gagné. Par le tout, moi, c'est mon sorti. Moi, je me suis dit, frère, que vous êtes de bénir. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Tu entends ça? Quelqu'un vient à côté de toi, tu l'as embrouillé avec le ventre, tu l'as embrouillé avec le ventre, puis tu ne vas plus ne vas pas durer parce que ça nous oublie dans la maison. Ici, les gens ne vont pas bouger. Ils ne vont pas bouger. Un dernier point, vous avez cru que ça fait longtemps, il n'y a pas manger. Ça, c'est ça, mais c'est tu tournes la bouche, tu comprends. Tu as encore un moment de conversation. Lui aussi, il est là, il s'est dit que comment t'as mangé comme ça, il le fait, tu sais ce que le fait de lui pas là. Tu vois, tu sors, tu dis que, mais tu as vu le film de Jésus Nazareth hier. Vous lui faites des conversations comme ça, parce qu'on est pas dans le plan de l'humanité. Et si quelqu'un possède le bien du monde, le verset continue en disant, et que voyage son frère, donc vous voyez, c'est notre responsabilité de voir nos frères dans la maison. Et si quelqu'un possède le bien du monde, et que voyant, c'est pour ça que si tu as vu, si tu as pris nom, tu as pris connaissance, tu n'as pas de justification devant Dieu. Tu es fiché. Il faut que voyant son frère dans le besoin. Et regardez, la conversation dit, et lui ferme ses entrailles. Et lui ferme ses entrailles. Après, il pose la question. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Où est-ce qu'il dit d'ailleurs? Les trois sont de la foi, l'amour et l'espérance. Et si tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, c'est que ce qu'on a parlé de ton pays, c'est le christianisme par confession là-bas. Le christianisme par subissement. Vous allez comprendre le chrétien, je dis, je suis chrétien. Le vrai chrétien est connu par son amour. Pas son amour. Pourquoi? Parce que si la nature de Christ est en nous, vous allez voir chaque fois la Bible déclare, même les gens qui insultent le Seigneur Jésus-Christ. Quand il marchait trois jours sur frère, c'est tout comme ça, il est comme ça. Il a la compassion. Il faut qu'il mange. Donnez-le à manger. On va tuer le corps, mais faites-le ta soeur, pas des temps de 5 ans. Père, quand il fait sortir le corps ici, donc si tu veux, on ne va plus venir à manger. Pourtant, il a marché même trois jours ensemble. Quelle compassion. Donc la Bible déclare dans ce verset 17, c'est si quelqu'un possède, donc tu as. Et vous comprenez l'impression, quand il dit 6 concepts, vous comprenez que quand la Bible dit ça, c'est parce que tu es à Dieu, c'est que tu as, même si tu ne sais pas. Si quelqu'un possède le bien du monde et que, voyant son frère dans le besoin, lui ferme ses entrailles, là, on a dû lui fermer ses portes. Donc vous comprenez, lui ferme ses entrailles. Les entrailles de la miséricorde du Dieu, tu descends lequel le soleil est dans nos abysses. Lui ferme ses entrailles. Lui ferme ses entrailles. Pas le ventre ici. Le cœur est bloqué. Il refuse de voir la compassion. Lui ferme ses entrailles. C'est ça qui se pose la question. Comment l'amour? C'est de aujourd'hui dire, comment peux-tu dire que tu es créé? Comment peux-tu dire que tu es disciple de Jésus? Puisque lui, il a dit, c'est à ceci que tout se recompense. Vous êtes mère d'ici. Tu dis, je suis disciple de Jésus-Christ. Mais lui, il déclare que tu ne peux pas comprendre. Construction du temple de Dieu. Donnons l'offrande pour la construction du temple de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Donnons l'offrande pour la construction du temple de Dieu. C'est une responsabilité. Sur le mission là-bas. Nous devons pourvoyer. Je veux que vous le compreniez. Que c'est une instruction, un commandement de la part du Seigneur. Vous entendez ça? Nous devons pouvoir. Vous vous êtes petit. C'est une des gens qui ont fini. C'est un genre. Regardez la nouvelle d'accord. Regardez ça. Vous voyez. Regardez là, on continue la lecture. Regardez. Il commence encore ce message 17. Il dit que si quelqu'un possède le bien du monde et que, voyant son frère sans le besoin, il lui ferme ses entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Qu'est-ce qu'il dit? Il n'a pas la suite de ses 18 frères. Regardez. Comment on va le titre? Par la suite, il dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Voilà. Donc, tout le monde peut être à côté de toi, qui s'en dans les yeux. Dis frère, la parole est Dieu. La parole est ce que tu appelles Dieu. La parole est ce que tu appelles Dieu. Dis que tu cesses de dire je t'aime. Tu cesses de dire je t'aime. Quand les gens disent j'espère que vous êtes sûrs. Mes petits enfants, ne me pas en parole, mais pas en action et vérité. C'est ce qu'il a dit. Après, qu'est-ce qu'il dit? Par là, dis-moi, je ne veux pas comprendre, parce que si vous parlez de la Bible, il y a plein de la Bible, sans la vérité, ça ne construit pas tout. Il dit que si nous allons en action, en vérité, il dit que par là, de cette façon, nous aurons de l'assurance devant le Père, n'est-ce pas? Nous aurons de l'assurance devant le Père qui parle de Dieu. Nous aurons de l'assurance. Par là, allons-y. Nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Stop. Donc, si nous n'avons pas en action en vérité, par là aussi, nous connaissons que nous sommes en vérité. Par contre, nous ne laissons pas de la vérité, c'est une vérité. Nous sommes. Parce que pour toute la vérité, c'est le mensonge, mais tout le monde a fait. Parce que quand il dit que nous ne sommes pas de la vérité, il dit que nous sommes neige. Nous ne sommes pas de la vérité, nous sommes du mensonge. Voilà. C'est-à-dire que tu es chrétien, mais prouve. Si vous ne savez pas d'être humain, je suis humain du monde, vous ne devez pas influencer, vous ne devez pas influencer, c'est pas ça. Influence communauté. Et que cette œuvre-là, que le somme ne voit pas, que Canada n'entend pas, que les n'entendent pas parler. Comment si tu es un philanthrope et que tu ne faisais que la gloire à des hommes. Mais que ce soit par compassion, par la nature du Christ en nous, qui regarde le Christ en l'autre, souffrant dans la chair, la compassion. C'est comme ça. Si ce n'est pas vu des hommes, c'est l'action vue et sanctionnée comme juste devant le Seigneur. C'est ainsi. Et par là, comme ça, c'est pas fini là. Nous avons notre cœur et notre cœur. Et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Vous entendez ça? Donc, si ton cœur balance de part et d'autre, ça veut dire que tu n'es pas ferme dans l'amour. Si ton amour n'est pas percé, n'est pas connu. Et car si notre cœur nous condamne, oui. Dieu est plus grand que notre cœur. Vous entendez ça? Donc, si notre cœur nous condamne, je vous pose la question simplement. Je veux que, en quelques secondes, passez votre film de vie chrétienne. Et voyez si vous avez restauré la vie de quelqu'un. Tout simplement. N'essayez pas de définir pour que quelqu'un est mauvais, ce n'est pas ça dans une émission. Vous n'avez pas les dons spirituels, c'est dons matériels. C'est-à-dire que si quelqu'un possède les biens du monde, cet esprit a dit ici, là, frère, là, On parle du monde. Monde, c'est pas le monde spirituel. Là, si quelqu'un possède, alors c'est lui des Romains, nous avons le chien de Dieu. Celui qui donne le face avec miséricorde. Celui qui exerce la liberté exerce avec joie. Quand tu donnes comme ça, tu peux dire, pas tu donnes comme ça, tu ça ne sert à rien. Tu dois donner. Et il dit le meilleur moment de donner, de le prendre ensemble, c'est quand tu penses que tu n'as pas. C'est le meilleur moment. Je vous dis, j'en ai des témoignages, des témoignages. Et quand tu fais de cette façon-là, la Bible, votre Bible, dit que tu, quand tu le fais, tu prêtes à l'Éternel qui va te rendre. Mais ne voyez pas cela comme le raccourci pour s'aimer et donner à Dieu pour Dieu de donner. Non. Regardez ça comme une mission, comme une obligation du Seigneur, comme un commandement du Seigneur. Et donner cela avec des intérêts. Si tu as fait toi. Vous avez. Si tu as fait le temps, je vais lire le 6 ou 8. On y va. Regardez. Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses. Cela, c'est quand même sérieux avec la Bible ici. La Bible dit que cette parole est certaine. Et il dit que je continue à vous dire ces choses. Après, il dit quoi? Afin que ceux qui ont cru, donc c'est l'homme qui a cru, il dit qu'il fasse quoi? Il dit qu'il est éternel. Il dit que cette parole est certaine. C'est authentique. Il dit, je veux que tu affirmes ça. Dis ça devant les gens. Prêche cela. Afin pour que le but de prêcher c'est dans cette parole-ci, de prêcher, c'est pour que ceux qui ont cru fassent quoi faire? S'applique. S'applique à pratiquer. Donc on va prendre du temps. Prendre du temps pour le faire. Pour que lorsque Christ vienne, que nous ayons une place à dire Seigneur, voici ce que j'ai fait. Si vous dites, quelle est ma place dans le corps que nous ne parlons pas à voir, au moins il y a un commandement clair à restaurer. Restaurer des vies. Ça, vous ne pouvez pas manquer Dieu là-dedans. Vous ne pouvez pas manquer Dieu là-dedans. Selon vous laissez Matthieu chapitre 25. Vous ne pouvez pas manquer Dieu là-dedans. Et Dieu nous attend au courant. Il dit que cette parole est certaine et je veux que tu l'affirmes afin, prêche cela afin. Ce qu'on prêche en plus, mais que ceux qui ont cru s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres. Après, il dit voilà ce qui est bon et utile. Vous avez ça fait? Vous avez vu? Qu'est-ce qui est bon et utile aux autres? Voilà. C'est pour ça que la mise là appelle la croyance. Il dit tu as la foi, tu pratiques. Il a dit que quand vous avez tout le monde de pratiquer les bonnes œuvres, ça ne sert à rien si tu n'es pas soumis. Il dit que quand il y a la cruque, il pratique les bonnes œuvres, c'est ça qui est bon et utile aux hommes. Qu'est-ce que le verset 14 dit maintenant? On va le verset 14. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres. Vous entendez ça? Vous entendez? Il faut que les nôtres aussi, il parle à un chrétien, les nôtres aussi, quand il y a les nôtres aussi, ça se pose que c'est quelque chose que normalement les nôtres font. Le monde en exemple, vous allez voir un homme ici. Donc, vous allez voir ici. Il faut que les nôtres apprennent. Donc, on a vous dit cela. On vous enseigne cela. Vous apprenez à donner de vos subsistances. Amen. Offrons, donnons nos offrandes pour la construction du temple de Dieu. Dans les interventions, les gens font des contributions. Il y a même des gens qui, depuis 30 ans, peut-être, font des contributions. Donc, commencer à nous mettre en profil. Parce qu'ils veulent que les gens viennent là-dedans. Il y a chaque jour de climatisation. Il faut le bureau de pasteur, il faut le carreau au sol. On doit la retrouver chaque année, parce que les comptes sont bloqués. On met de l'argent chaque année, on vient nous bloquer, parce que si on a l'argent versé là-bas, pourquoi ils nous font? Ils font comme ça pour construire les briques. Ils n'ont pas compris encore qu'on a quitté la loi, on l'a mis sous la glace. Et que cet argent qu'ils nous font, ils veulent les vendre tout le monde là. Et regardez ceux pour qui c'est destiné. Commencer à distribuer. Donc ils sont dans l'Ancien Testament. Encore que nous dans l'Ancien Testament, nous n'avons pas le droit de le faire si ça avait été dans l'Ancien Testament. C'est comment le temple de Jésus qui parlait partie ainsi. Alors, si ça soit les synagogues de Satan, on a un problème. Devant nous, alors, on parle que c'est une nécessité, une obligation, un commandement devant le Seigneur que nous donnons de nos vies. Est-ce que nous comprenons que c'est une mission? Est-ce que tu peux dire à quelqu'un donne maintenant, de tout ton cœur, ton frère, donne une femme pour la construction du temple de Dieu. Tu peux le dire à la femme. souvenez vous laissez par la tour de la vie, la fois que les gens la diront, que si c'est de dire que quelqu'un qui est un peu pour nous, vous n'avez pas le mot. Les seuls d'accord avec moi, vous n'avez pas le choix que d'être d'accord avec les écritures. Parce qu'on a dit qu'ils vous disent que si vous avez cru, vous devez pratiquer le projet. On dit que ça est bon, le type pour vous. Frère, est-ce qu'il veut bien rêver, mais est-ce qu'il veut qu'il pratique le projet? Parce qu'il a dit que si il y a un mauvais rêve, il va te protéger. N'est-ce pas que l'on dit? Prenez ces sommes-là, sur le 41. Bon, vous avez dit, ça ne donne pas, ça ne donne pas, tu veux que ça donne, c'est lui. Donc, si tu donnes ta propre subsistance, ce qui est dans ces livres, les âges de 50 ans, si tu donnes ta propre subsistance, tu crieras les blés, mais tu diras me voici. Si tu donnes ta propre subsistance, si tu donnes ton propre subsistance, c'est écrit. C'est écrit dans le nom. C'est un grand grand grand grand. C'est un grand grand grand. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Sur le 41, regardez. On s'est dit, heureux, vous êtes dans le 41, heureux celui qui s'intéresse au pauvre. Vraiment. Heureux celui qui s'intéresse au pauvre. Même si tu t'intéresses au pauvre, la Bible dit que tu es heureux. Après, il dit, tu es quelqu'un qui s'intéresse. Heureux celui qui s'intéresse au pauvre. Au jour du malheur, littéralement, il dit. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que si tu vois quelqu'un qui est pauvre, et souvent vous savez, vous avez dit cela, quand la Bible parlait de vendre les choses pour donner à pauvre, comme il dit pour la porte de la loi, il dit à l'escalier ici. Le Seigneur Jésus a dit que vous serez toujours les pauvres avec vous, et vous serez toujours là. Et la Bible déclare que ne rit pas du malheur avec moi, si je ne sais pas encore le lendemain constitué. Donc, si quelqu'un est malheureux aujourd'hui, tu te montres, tu sais pas ce qu'il y a à l'avenir. On a vu dans l'expérience de la vie des gens qui étaient totalement autres, des personnes qui ne pouvaient pas regarder même son semblant comme étant son semblant. Mais quand même, c'est un plein mer. Une seule situation à lui, il veut fugir avec toute sa richesse, il pensait qu'il ne regarde que la seule solution comme étant la pendaison. Pour aller se donner la mort, parce qu'il ne peut plus regarder les gens qui regardent avec du dain. C'est-à-dire quoi? Tu es en haut, plus tu es en haut, plus la chute est rocambolesque, est terrible. Donc si tu es en haut, je ne suis pas dans ma joie, je ne sais pas comment il meurt. Comme c'est que le lendemain va rencontrer. La personne que tu peux mépriser peut être tout le monde au-dessus et que tu n'auras pas que les larmes, les yeux pour pleurer par rapport à ce qu'il va en combiner dans le livre parce que le manque en enseigné. Alors la Bible dit ici que heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. C'est-à-dire Dieu met le pauvre là-bas pour nous bénir. Dieu met le pauvre pour nous bénir. Vous savez ça? C'est ce que nous avons dit. Il dit, ça veut bénir nous. Bénir moi, c'est pas vrai. Le pauvre était devenu l'étonnement des barons du pauvre. Depuis, il mange plus. Les choses sur ce pied, les blagues le sous sur le pied à cause de toi. Depuis, il crie que Seigneur est barons dans la bouche. T'as vu, tu vois. Tu ne veux pas, c'est la bouche, et il veut ta patrie, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Oui, ça, c'est une prière. Seigneur, telle maladie, telle maladie, telle maladie, je mange pas. Regardez ce qu'il continue ici. Heureux celui qui s'intéresse au pauvre. Au jour du malheur. Aujourd'hui, dans le malheur, même les peuples que tu peux avoir, même les peuples possibles, les peuples que tu peux avoir, aujourd'hui, le malheur. Celui que nous, la clé pour tout s'intéresse aussi à toi, c'est qui t'intéresse au pauvre. Nous allons lire quelques passages dans cette histoire. Regardez, aujourd'hui, le malheur, le Seigneur, quoi, l'éternel le délivre. L'éternel le garde et lui conserve la vie. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est intéressant au pauvre. Regardez, il est heureux sur la terre. C'est ça. Ça sont les principes de vie que quand tu commences à vivre, en fait, quand tu regardes sur le plan humain, avec le standard humain, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens que ce que tu as, tu vois, tu donnes aux gens. Voici la vraie vie de foi, c'est-à-dire que tu donnes, tu comptes sur le Seigneur. Regardez le mot de la parole, vous avez le Proverbe chapitre 19. Vous êtes ici, il dit Proverbe, nous sommes dans la vie des sommes, nous sommes dans la vie des sommes. Proverbe chapitre 19, il dit verset 17 pour vous expliquer. Il est écrit dans mon verset 17, alors ça sera le même chose pour vous. Celui qui a pitié du pauvre, prête à l'éternel, il lui rendra selon son œuvre. Vous avez ce qui est écrit? Vous avez ce nom? Il dit verset 17. Du chapitre 19. Nous avons dit, celui qui a pitié du pauvre, prêt à à l'éternel. C'est pour ça que David, dans le passage, il a dit, je veux subir cette personne pour vous. Prenez le temps de lire le livre des Jean, chapitre 32. Lorsqu'il parle des bénédictions qui sont des antennes, pourquoi on dit que les pauvres, c'est des sources de bénédictions, les prophètes comprennent cela. Ils comprennent. Il dit, la Jean dit que, il parle que, c'est en fait le problème qui n'arrive même pas du côté des pauvres. Il dit que, il savait que ses antennes les bénédictions. C'est Jean qui dit ça, il savait. Il connaissait les sources. Il avait de l'argent, des biens, là, donc il connaissait que les sources pour multiplier, c'était nos pauvres. Il va pas faire encore lisser les autres, c'est déjà tout le temps. Donc même si le quoi, l'énigmeur dit que est celui, même ce qu'il dit, est celui qui a pitié du pauvre prêt à l'éternel, qui lui rendra selon son œuvre. C'est pour dire quoi? Sinon Dieu lui a un commandement qui a dit d'aimer une autre personne. Donc Dieu ne veut pas les voir. C'est par conséquent lui fait. Il ne peut pas finir par se rendre sans rendre, parce qu'il rend à chacun selon son œuvre. Dans l'option 41, il répète ici qu'il est heureux sur la terre, c'est pas sur la terre. Tu fais ça sur la terre, tu as ça sur la terre. Lévitique chapitre 25, verset 35, ça on va voir. Lévitique chapitre 25, oh mon Dieu. On nous amène partout maintenant. Lévitique, je crois que la personne dit non ou pas. C'est bien maintenant que c'est pas le consulter pour sous les blagues, n'est-ce pas? Si vous voulez la parler un peu, vous sortir. Tu vas pour dire pas pas des blagues. Ok. Le chapitre 25, c'est ce qui est verset 35, c'est ça. Écoutez bien. Si ton frère devient pauvre, et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras. Tu feras des mains pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays afin qu'il vive avec toi. Vous avez vu ça? Explique. Il a les lignes, c'est une leçon dans le Sultan, donc j'espère dire, allez dans le lancer verset. Si ton frère devient pauvre, Dieu prévoit qu'il y a des situations qui vont arriver quand ton frère peut devenir pauvre. Fais attention d'insulter un enfant de Dieu en disant que celui-ci c'est un lâche, il ne tira pas, il ne fait pas, il ne va pas manger. Il y a un commandement pour lui là-bas que celui qui ne mange pas, il ne tira pas, il ne mange pas non plus. Il y a un enseignement pour lui. Mais fais attention pour les humains, parce qu'il a dit que exercer l'hospitalité sans murmure. Fais attention. Parlez de la vie des gens, si vous voulez vous laisser lire des. Ah, ça me tient là. Jean, j'avais quelque chose de nous rappeler avant le psaume. Avant le psaume. Même Jean, j'avais le psaume, j'en ai là. Prenez des coups de 7 et 2, la partie de ici. Verset 13, l'année suivante. On y va. Chapitre 31 des Jean, il dit à partir de verset 13 en laissant là. Si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante, vous voyez ça. Donc, ce sont les choses que le prophète dit que si quelqu'un travaille chez toi, tu méprises son droit. Ton service n'est pas donné. Tu vas continuer. Lorsqu'ils étaient en contestation avec moi, qu'est-ce qu'à faire quand Dieu se lève? Dieu se lève, le prophète c'est ça. Si vous lisez 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 8, l'apôtre Paul dit que personne n'use le foot dans les affaires, parce que Dieu tire la main toutes ces choses. C'est ce que le prophète a dit ici. Ça n'a pas changé. Le verset 14 dit qu'est-ce qu'à faire quand Dieu se lève? Donc ça veut dire que s'il avait fait ça, c'est qu'il ne veut pas résister, parce que Dieu avait la première raison de le frapper comme il l'a fait. C'est comme il l'a dit. Donc s'il avait, si il a médité la vie, jamais personne n'a travaillé chez lui, il n'a pas payé son salaire. Il s'est fait ça. Alors je me réveille à 10 si Dieu ne pas. Donc c'est vrai qu'il était en règle avec ses racines dedans. Et quand je réponds quand il châtie, celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère ne l'a-t-il pas créé? Le même Dieu ne nous a-t-il pas formé dans le sein matériel? Il dit, si j'ai refusé au pauvre ce qu'il demandait. Vous avez vu ça? Il a décidé qu'à papa, il a pris le cas des gens qui travaillent chez lui. Est-ce qu'il me faisait quelqu'un? Il se moule, il n'a pas réussi. Il prend les pauvres. il est mal à la femme et quelqu'un. Donc, verset 9 dit que s'il a laissé son cœur se séduire, s'il a tourné la main chez quelqu'un, vous voyez, s'il a convoité la femme de quelqu'un, il dit que sa femme tourne la main et l'autre la mange. C'est-à-dire qu'on désonne sur sa femme de la même façon. Donc, ayant l'argent, avec son statut, nous allons convoiter la femme de quelqu'un. Vous parlez d'un monde d'homme interne. Alors aujourd'hui, quand on a l'argent, on peut seulement faire la folie. C'est ce qui est aujourd'hui. Regardez ce que Jean lui dit. Mais il prend cas par cas. Si tu as des péchés qui nous font et si vous regardez, vous voulez qu'on voit l'enseignement. Ici, les riches doivent prendre cette place particulièrement pour leur dire, pour comprendre ce que Dieu a de vouloir dire par la vie des gens. Que si tu es riche, faites attention avec ton argent sur cette domaine. Faites attention pour ce domaine. Mais les riches, donc tu as l'argent aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Vous travaillez bien, du 1er jusqu'au 25. Vous êtes en bon terme. Vers le 26-27, le patron va accommoder le visage. Pour le patron, on a bien fait. Il te tourne bien comme ça, tu vas partir bonjour. Tu as l'âge d'abord, elle va le voir, tu comprends, mais c'est pour dire que tu ne vas pas ton argent. Elle va vous donner la sensation, le 15 minutes du mois, il se voit avec un million d'enfants, ça peut vous faire bonjour. Vous allez savoir que ça va attirer le chalon sur vous. Parce que les gars vont passer les ouvrages comme un nouveau champ. Donc vous allez les avoir frustrés. Ils vont créer comme vous êtes, ils vont le semer des années. C'est la vie des gens, c'est qui votre chapitre 5. C'est ça, mes frères. Donc, les gens qui ont de l'argent, les riches, devraient comprendre celui des gens. Aller là-bas pour prendre l'instruction. Dire, ok, mais l'argent est de l'argent. Qu'est-ce qu'il doit faire pour que tu ne châtes pas? Ok, mais on va continuer aussi. Verset 16. Si j'ai refusé au pauvre ce qu'il demandait, si j'ai fait la nuit dans les cieux de la bœuf, vous avez vu? Si j'ai mangé seul mon pain, sans que l'orphelin en ait eu sa part. Vous avez vu? Il a parlé du pauvre. De la veuve, de l'orphelin, des gens qui sont au milieu de nous, pour que Dieu nous châtie, ou les vies de nous. C'est pour ça que dans ces questions de la dit heureux ceux qui sont ceux qui s'intéressent aux pauvres. Il y a peur humaine des pauvres choses par rapport aux veuves de l'orphelin. Dans Jean, pasteur, chapitre 2, verset 27, il dit que la religion pure et celle qui a devant Dieu notre Père consiste à s'égarder les souillures du monde pour être responsabilité des veuves et des orphelins dans l'affliction et à s'égarder les souillures du monde. Voilà la religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père. D'accord, ma chère sœur? D'accord, ma chère? Ok. Donc il dit, si j'ai mangé seul mon pain, sans que l'orphelin en ait ou sa part, qu'est-ce qu'il doit vous dire? Tu as ton pain, tu manges l'orphelin à côté. Moi qui ai, dès ma jeunesse, élevé comme un père, moi qui, dès ma naissance, ai soutenu la peur, si j'ai vu le malheureux manquer des vêtements, l'indigent n'avoir pas de couverture, ça ne serait quoi mais béni. Soulignez ça. Sans qu'il ait été rechauffé par la toison de mes amis. Vous avez dit, si je me levais la main contre mon frère, parce que je me sentais un appui dans les juges. Quand quelqu'un a de l'argent, tu peux avoir les juges qui disent que le pauvre gars là, mets-le en prison. Il dit, tu as fait ça. Tu peux avoir raison devant les hommes. Tu peux avoir ces choses-là, tu grandis devant les gens. On dit, wow, tiens, c'est le clan, il a la raison des juges, il n'y a pas de problème. Il y a un grand juge qui va juger nous, le juge. Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons ouvrir nos vies également pour les frères. Bien plus, la Bible dit clairement dans la vie des Galates que celui qui s'aimera pour sa chair, moi, c'est de sa chair, la corruption. Mais celui qui aura s'aimé pour l'esprit, moi, c'est de l'esprit, la vie éternelle. Il dit que nous ne se moque pas de Dieu. C'est quand on aura s'aimé, il le mentionnera. Celui qui aura s'aimé pour la chair, moi, c'est de la chair et la corruption. Celui qui aura s'aimé pour l'esprit, moi, c'est de l'esprit, la vie éternelle. Jésus a dit que les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Il se met, je t'aime, je crains Dieu. Alors, celui qui craint, garde ses commandements, puisque ce sont ses commandements. Mais après, vous voyez, dans cette instruction qu'il donne à l'église, là, il dit que c'est que Dieu veut, c'est que de sanctification. Ce que chacun de vous sache poser son corps à la sécurité, mais l'été, sans vous livrer, dans une manière d'être façonnée comme le font le carême, vous ne connaissez pas Dieu. C'est que chacun sache poser son corps à la sécurité, c'est que c'est la personne qui lui prouve dans les affaires. Car Dieu dit par toutes ces choses-là. Si quelqu'un rejette ses paroles, ses princesses, il ne rejette pas un homme, il est Dieu. Vous avez ça? Ce sont des commandements, des préceptes. Dieu dit qu'on part comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. On dit, on croit Dieu. Je crois Dieu, je suis croyant. Concrétiste, il faut qu'on offre, on va les offrir à nos frères. C'est notre responsabilité de chercher ce qu'on va faire sur nous. Dans la chapitre 6, dans verset 6 suivant, il dit, nous ne lassons pas de faire le bien. Vous avez vu cela? Ne nous lassons pas de faire le bien. Car nous, nous moissonnerons. Autant convenant, à condition que nous nous lassons de nos emplois. Après, il dit clairement, on fait le bien à tous, et surtout auprès d'un enfant. Donc, ce n'est pas aujourd'hui seulement chrétien. Faire le bien à tous. Mais surtout, parce que le monde peut utiliser n'importe quel usage pour avoir le bien. Mais le chrétien doit utiliser le bien. Pour avoir le droit de faire n'importe quelle chose. C'est notre responsabilité donc de se offrir. C'est notre responsabilité donc de venir en aide. En fait, nous ne venons pas en aide pour leur bien. Puisque c'est un commandement, nous donnons ça pour être en règle avec le Seigneur. Donc, nous sommes en bénédiction d'avoir le pauvre parmi nous afin que nous venions comme ça pour respecter le commandement de Dieu. Autrement dit, tu ne fais pas du bien aux pauvres, tu te fais toi-même du bien. C'est ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne que, en donnant aux pauvres, tu vas même dire ta genoux pour qu'il presse. Tu dois lui dire merci d'avoir payé ce que je te disais. Pourquoi? Parce qu'il est ta banque, il est ta source de bénédiction. Donc, le cadavre a été diminué, c'est pas le cadavre. Donc, il faudra déjà dire que le pauvre a été à côté d'un. Il est dans cette petite ton paquet. Mais la question de l'autre, on a un cadavre avec des lèvres. Ensuite, pas là-bas. Là, les années, pas le tapis. C'est pas la bonne chose. Ça, fais une bénédiction. Amen. Amen. Amen. Donne-moi nos femmes la construction du temple de Dieu. Son père, donne-moi nos femmes la construction du temple de Dieu. Regardons tous les mots, regardons les chrétiens. C'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité. Et bien, si vous avez les uns et les autres, c'est ainsi qu'on saura que vous êtes mes disciples. De toute façon, c'est la prouve. Pourquoi nous avons. Toi, tu es quoi? Je suis chrétien. C'est quoi, je suis chrétien? J'ai dit, il faut passer à l'acte afin que lui t'attende quelqu'un voir. Quand tu dis chrétien, que ça veut dire seulement donner la confirmation. J'ai dit, il y a où vous parler une conduite exemplaire. C'est la Bible déclare la vie de Matthieu au chapitre 2 et chapitre 4. On a une conduite dans les deux. La Bible déclare qu'on se compte dans ces livres d'Éphésiens chapitre 5, verset 11 et suivant. Il dit qu'on ne peut pas proposer de l'écoute, mais qu'on comprenne quelle est la volonté du Seigneur. Comme est-ce qu'on ne soit pas comme des insensés, mais qu'on se conduit de façon humaine. Mon Dieu. Vous allez m'envoyer à quelque part maintenant. Donc, rachetons-le. Nous n'avons pas le temps de trouver l'amour. Nous n'avons pas le temps de trouver l'amour. Soumettons le Seigneur, cherchons le Seigneur dans ses enfants. Soumettons le Seigneur, cherchons le Seigneur dans ses enfants. Ses enfants qui souffrent, les orphelins, qui est le Père, les orphelins, le défenseur des veuves. La Bible là, c'est Dieu dans son Saint-Âme. Alors, si les gens souffrent, comme Jean m'a dit là, et que nous en détournons en disant que nous ne savons pas qu'ils souffrent, la Bible déclare que ceux qui perdent le cœur ne pensent pas. Souvent, nous sommes le 19, verset 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'éternel. Qui le Dieu rendra selon son mieux. Ce qui est écrit, frère, c'est ici parce qu'on a quelque chose devant nous, c'est notre matériel. C'est ici donc qu'on va regarder si oui ou non, dans le trésor est caché. Tu vas tester, donc tester votre cœur, tester votre foi, tester le cœur. Où est-ce que le matériel est là? Vous l'utilisez si ça ira en bas. Mais quand j'étais en train de venir, ça va prendre, pourquoi, pour les enfants à la fin de l'année. Est-ce que tu es sûr que maintenant tu peux prendre sa voix et faire qu'ils sont pris des pauvres couleurs? Vous avez un frère qui a fait un tel autre frère dit que ah, c'est un tas de choses. Faut que tu fasses la phrase, dit que frère, comment tu vas dire oui? Il y a un problème sérieux. Il y a un problème sérieux. Or, il l'appelle comme ça, c'est un frère qui a besoin d'appeler le frère d'un autre. Qui peut pouvoir? Il y a un problème sérieux. Il y a les moyens, les moyens vont mettre les enfants dans le livre. Il laisse vraiment prier le Seigneur pour moi. C'est ce que la Bible nous dit clairement. Que cette femme a dit qu'il est dans le besoin. Et que toi, tu sais, tu dis que va prier. Tu vas passer par en s'il est déposé dehors, le problème. Après, il dit comment? Après, je fais une fois que tu peux dire que Père, c'est toi qui pourvois. Tu fais le lien par cette prière. C'est l'hypocrisie. Il est venu faire la demande clairement. Que son enfant va être mis dehors. Il n'a pas de peur. Tu dois passer à là. La Bible dit que si quelqu'un possède les biens de son nom. Et que voyant son cœur dans l'eau, donc il a vu son frère dans le besoin. Quelle qu'en soit la priorité de l'église, ça ne marche pas, il faut qu'il passe en là. Dieu m'a fait verser des rayons sur le sol pour dire que moi, oui, ramasse-moi. Dieu va passer par toi. Et il a bien sauté. C'est ça que ses enfants vont sortir. Mon frère même, donnons-nous aux enfants pour le temple, pour le temple de Dieu. Bonne soirée. T'as une question là? T'as pas ça? Hein? Oui. Ok. Oui. C'est vrai que je de quelqu'un qui est soi-disant tu fais. Et que moi, à chaque fois, tu es dans le besoin. Faut toujours. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien. Car nous, on va se voir autant que nous sommes dans la porte. C'est la seule chose à faire. Et je vous dis quelque chose. Quand j'étais en Norvège, il n'y avait pas d'argent. quand je donnais le coup souvent là, on me donnait un peu de l'argent. C'est ça, c'est une garçon qui ne voit pas parce que vous savez, bonjour, voilà. Ma femme avait acheté une godasse là, une godasse bien. Elle commençait à jouer, ma femme me connaissait, ça fait un an même de jouer cher. On allait au stade jouer, c'est comme ça, elle avait les enfants jouer avec les parents. Je dis, bon, vous tous venez là, il est prenez une godasse là-bas. La femme, ma femme, elle ne commence pas. Il est prenez une godasse là-bas, il dit, celui qui mesure ses godasses, si ça lui suffit, il part avec. Si chacun vient, vous avez pas une petite pile. Donc, si vous êtes avec le groupe là, il faut une force, on dit, donc, si ça te tue, il faut que tu ne vas pas jouer avec. Il comprend pas pour lui. Ils ont mesuré, mesuré, c'est ce que quelqu'un a mesuré, pense à faire ce pays, c'est ta femme. C'est ce qui est arrivé. Il a pu le voir, on était à Simao, déjà, ça soit qu'on voit le match là. Il part, il met derrière. Il part, le bruit, il met derrière. Moi, s'il me dit, on va prendre la godasse. Il part, même il est derrière à distance, il suit tranquille le vol, parce qu'il sait exactement ce qui va se passer. Il part le godasse. Après, il dit le vol, il dit le grand frère. Vous donnez le godasse, lui, c'est la personne, on lui dit, vous donnez le godasse comme ça. Il arrive à la robe. Alors, quand d'autres personnes qui ont joué ensemble, ils ont vu comme ça, la personne, ils voient comment je me comportais. Il a fait le. Ça lui montait des choses pour pouvoir mentir. Il est menti. Quand il vient, il lui parlait. Il ne sait pas qui est de l'homme. Il ne sait pas le discernement. C'est lui pour nous, il avait dit la vérité. Je disais, enfin, qu'il a été menti. Il dit, mon père a dit, envoie la lune de ma toile. Je suis allé prendre, j'ai eu l'accident, c'est perdu. Il dit, ouais, qu'est-ce qu'il faut? Il dit, mais il te faut combien? 15 000. Il dit, ok, viens, je vais prendre 15 000. Je donne 15 000. C'est lui qui me donne, mais fui. Vous avez vu comment on se passer les examens. Quand tu as ta référence, quand on voit le bain, il est sauf de vous, il en a le bain en bouche. C'est pour prendre ton histoire. Tu dis, t'as vu, il est chapeauté de mon Dieu, t'as vu, mais il dit, continue. On dit, pourquoi tu fais ces choses, sachant que c'est le maçon qui a été fait, lui, non. Ce n'est pas moi qui manque, il manque Dieu. C'est à Dieu qui va résoudre le problème, c'est pas moi. Tant que j'ai la possibilité, je donne. Et quand vous êtes des 15 000 demain, il vient, comment tu vas? J'ai plus besoin de 1000 fois. J'ai 1000 fois, oui, je te donne. C'est pas pour moi, je suis un transitaire. Tu me donnes, tu me donnes, Dieu me donne, je donne. Et j'ai toujours de l'eau, ça n'est jamais manqué de quoi manger. Tu donnes. C'est lui qui l'a dit, il a embrassé, le jour qu'il comprend l'évangile. Quand il a un coin, on dit maintenant il faut restituer. Il aura des et pour que c'est la restitution, on va restituer. Tu vas rester à présent, il va s'en dire, non, pour restituer plus un, c'est bien. Tu veux s'en dire, ça dépend, tu ne peux pas faire. Alors là, c'est ça. Donc si tu me manques, c'est ton problème. Il dit, tu me manques, il reste une photo, mais c'est le mensonge que tu dis. Mais dis-moi ce mensonge, je te laisse à nouveau. Le jour que tu comprends, tu comprendras. Si tu ne veux pas, tu vas, parce que je ne veux pas que la peau soit de mon côté. Et tu veux me bénir.